Chapitre 4. La réunion des Dobites. S'étant promis de mener à bien la partie de plaisir qu'il avait imaginée, Dob n'était pas homme à reculer, quelque distrait qu'il pût être par d'autres intérêts. Comme premier auteur du pique-nique à Lemley Hills, l'honneur Dob était attaché au succès de la partie. Aussi, du 25 août au 1er septembre, il eut très peu de temps pour penser à Twopenny et Postman. Le jour arriva, selon son cours naturel. C'était l'espèce de jour que tous ceux qui devaient prendre part au pique-nique auraient demandé à la Providence si, en véritable illuminé, ils eussent osé l'implorer pour une faveur aussi temporelle. Un jour éclatant. Un jour dans lequel les feuilles semblaient se gonfler et se fendre, où l'herbe brune, sur le versant de la montagne, avait une odeur de foin. Un jour dans lequel le ciel bleu, sans nuages, vous forçait à cligner les yeux, si vous leviez la tête. Un jour dans lequel les chercheurs de plaisir, qui ont un teint blond et délicat, rentrent au logis le soir, aussi rouges que des peaux rouges. Les personnes qui devaient prendre part au pique-nique, en se rassemblant dans le petit salon de Madame Dob, se félicitèrent les unes les autres, sur le temps et par ce moyen, abrégèrent les préliminaires de l'entrevue. Aucune réunion de société n'aurait pu être inaugurée avec une plus grande cérémonie. Madame Dob, qui était extrêmement polie, était tout occupée à faire les présentations d'usage. Il y avait la sœur de Spinner, qui avait été amenée par Madame Pocombe, et la mère de Smith, une mystérieuse vieille femme avec un chapeau de hasard, qui n'avait pas été invitée et qui avait été présentée par tout le monde. Il y avait là plus de nouveaux chapeaux, plus de toilettes éblouissantes de tout genre, que de mémoire d'homme on en avait vu rassemblées sur les trottoirs qui bordent les villas à mandat. Et on pouvait entendre murmurer confidentiellement parmi les femmes « 15 et 9, 17 et 6, ma chère, et réduit de 27 eu égard à l'époque avancée de la saison », pendant que les hommes même se complimentaient sur la splendeur de leur toilette. On peut annoncer avec certitude une prochaine hausse dans le prix courant de l'amidon, après avoir vu le gilet de Spinner. J'ai vu que les buffles et les chamois nous regardaient attentivement, et maintenant, en voyant les jambes de l'illustre Pocombe, j'en comprends la raison. Je ne fais pas attention au pli de votre habit, Sanders. Le jeune homme de chez Cowley ne sait pas ployer un habit. J'ai fait repasser le mien quand je l'ai sorti samedi soir. Mais ne rougissez pas, Sanders, il n'y a pas de honte dans une honnête pauvreté. Ainsi disait Dob en s'abandonnant à sa gaieté, tandis qu'il était au milieu de ses lares et de ses pénates, avec une carafe dans une main et un verre dans l'autre. La carafe contenait un cordial composé de genièvre, de sucre et d'écorce d'orange qu'Henri Adolphe, qui l'avait fait, déclarait presque aussi bon que du curaçao, mais dans ce cas-là, le mot presque était un mot des plus élastiques. Un omnibus avait été loué pour transporter toute la société, et cette voiture projetait son ombre sur la maison de Dob pendant que l'employé régalait ses amis dans le parloir. Aux habitants des villes à mandat, qui flânaient sur le seuil de leurs portes ou stationnaient à leurs fenêtres, un omnibus semblait être le plus nouveau et le plus rare objet de la création, tant ils regardaient avec ardeur ce véhicule sur lequel était inscrit en majuscules dorées « Railway Station, Roxborough Arms, Castleford, Kingshead ». Mais quoiqu'un omnibus consacré au service public puisse être le moyen de transport le plus commun, il est quelque chose de presque effrayant. Dans l'idée qu'un omnibus, détourné de son usage ordinaire, est mis à la disposition d'un individu. Avoir la destinée d'un omnibus entre les mains. Pouvoir ordonner ce que cette puissante voiture doit faire ou ne pas faire. La conduire dans d'étroites ruelles et par d'ignobles détours. La garder pendant un temps démesuré devant sa propre porte. C'est éprouver un sentiment de puissance qui n'est pas sans avoir une influence enivrante. C'est éprouver, à un moindre degré, le tressaillement de triomphe qui doit avoir agité les veines de Josué à Gabaon. C'est ressentir le sentiment de domination qui porte à Robespierre à s'abreuver de sang lorsqu'il sentit que l'âge de la guillotine nationale n'était qu'un jouet dans sa cruelle main. Henri Adolphe n'était pas à l'épreuve de l'enivrement de l'omnibus. Il le regardait avec des regards affectueux et admiratifs et découvrait, dans cette espèce de voiture, quantité de beauté qu'il ne l'avait jamais trouvé jusque-là. Puis ensuite, il y avait le plaisir d'emballer les comestibles, les mannequins et les paniers qui devaient être choyés, comme disait le conducteur du noble véhicule. Les bouteilles brunes qui avaient été offertes furent présentées à toutes sortes de niches et de coins, et généralement refusées, comme trop longues ou trop larges. Assurément jamais tant de gallons de bière, tant de mannequins de provisions, tant de paniers découverts, remplis de toutes sortes de verdure, ne furent accumulés dans les compartiments d'un omnibus depuis l'invention de cette voiture. Une odeur savoureuse de volaille rôtie et de pâté de veau trop cuit se répandait dans l'atmosphère des villas Amanda, et l'eau venait à la bouche des voisins de Dob, tandis que les paniers, les uns après les autres, passaient de main en main pour être placés dans le véhicule au milieu des applaudissements presque moqueurs de la population juvénile rassemblée autour de la porte. Dorothée arriva dans la charrette, conduite par un frère timide et gauche, accompagnée par deux sœurs aux joues roses, car les contributions venant de la ferme avaient été si splendides que Dob avait étendu ses invitations à toute la famille Turfgood. En outre, de tous les objets convenus, Dorothée apportait avec elle une offrande qui éclipsait autant tous les autres petits dons que le soleil éclipse les étoiles. Mademoiselle Denison avait été heureuse de faire plaisir à sa petite femme de chambre à l'occasion de cette fête de famille. Elle avait ordonné au sommelier de remplir un panier de vin, de vrai vin que buvaient les lèvres patriciennes de Sir Gaspard et que les amis de Sir Gaspard regardaient comme un privilège de partager. Le sommelier avait fait les choses avec la libéralité qui distingue la nature humaine lorsqu'elle dispose de la propriété d'autrui. Dob ne put résister à la tentation d'ouvrir le panier, pendant que ses amis surveillaient toutes ses actions avec un transport d'admiration. Le panier contenait des vins, dont le cercle de Dob n'avait jamais vu le nom que dans des livres. Du vin du Rhin, dans une grande bouteille effilée, du pétillant de Moselle ou du Bourgogne, dans de délicates enveloppes de papier rose, une petite bouteille de Marasquin, avec un entourage d'osier, une bouteille de Madère et une bouteille de Porto, qui avaient été mises en bouteille avant la naissance de Mademoiselle Denison. Il y avait une demi-douzaine de bouteilles en tout, et Dob, en les comptant, comme elles formaient un éblouissant petit groupe sur la table, se demandait si l'honneur lui commandait de les livrer toutes à l'appréciation de ses amis, ou s'il ne pourrait pas loyalement en soustraire une bouteille ou deux pour les consommer chez lui. Mais les yeux de ses hôtes étaient fixés sur lui, et leurs mains s'empressèrent de les remettre officieusement dans le panier. Dob les regarda faire tristement, et commença à penser que c'était presque dommage pour un pique-nique. Un cruel désappointement attendait la pauvre Dorothée dans le petit salon de sa cousine. Elle paraissait tout à fait brillante et heureuse dans sa robe de mousseline fraîche et sous son joli chapeau de paille qui ombrageait sa modeste figure rose et cachait la flamme qui dansait dans ses yeux noisettes. Mais sa lèvre inférieure, rouge comme une cerise, retomba comme celle d'un enfant quand Madame Dob lui remit un petit billet à trois cornes, d'une écriture illisible, soigneusement pliée, qui avait été apporté le matin de bonne heure au Villa Amanda par un simple soldat du régiment de Jorbey Scaffron. « Ma très chère Doll, griffonnait le lieutenant, j'ai quelques affaires endiablées sur les bras qui me retiendront à Castleford jusqu'après la poste de 2 heures, et je ne pourrai rejoindre votre société à temps pour prendre l'omnibus. Si je puis emprunter quelques brutes sous la forme d'un cheval, je monterai dessus pour me rendre près de vous assez tôt pour causer un peu avec ma petite favorite. Et en attendant ce moment, elle doit s'amuser sans le plus malheureux diable qui soit au monde, son dévoué, G.C. » La fin de ce petit billet n'était pas faite pour augmenter le plaisir de Dorothée. Mais déjà, elle avait découvert qu'aimer profondément chenapan sans principe n'est pas tout à fait la route royale qui conduit un parfait bonheur et à une paix parfaite. Elle avait commencé à souffrir de ces 1000 tortures qu'il est dans la mission de la femme d'endurer. Elle n'était pas encore Madame Cathron, mais elle avait déjà pris cette part inégale dans l'existence d'un homme, qui est le privilège d'une femme. Elle n'aurait pas plus fumé à des régalias du lieutenant qu'elle n'aurait fait manœuvrer ses hommes. Mais les dettes que Cathron avait contractées envers son marchand de tabac pesaient plus lourdement sur son esprit qu'elles ne pesaient sur celui de l'officier. Bien sûr, c'était elle qui devait tant d'argent à son tailleur, c'était elle qui vivait à toute heure dans la crainte d'une arrestation, c'était elle qui était réprimandée et maltraitée par son commandant supérieur, c'était elle qui avait perdu sur le turf. Jorboys lui racontait tous ses tourments et son sympathique petit cœur se faisaient une nouvelle torture de chacune de ses inquiétudes. C'eût été un soulagement pour elle de pouvoir pleurer un peu après la lecture attentive de la lettre de son amant. Mais elle fut obligée de retenir ses larmes et de se rattacher autant qu'elle le put à l'espoir qu'il lui restait de voir Gervoise dans l'après-midi. Malheureusement, Catherine n'était pas dans la meilleure condition possible pour tenir une promesse. Et le pauvre cœur de Dorothée souffrait en pensant combien ce long jour ensoleillé pouvait se prolonger pour tous ces gens bruyants, sans qu'une heure bénie amenât son amant près d'elle et que le soleil se cacherait peut-être sur sa désolation. Elle fut heureuse de se placer dans le coin le plus reculé de l'omnibus. Il y resta silencieuse et sans être remarquée, tandis que le véhicule avançait au grand trot à travers de petites rues où les nouvelles maisons paraissaient de chétives boîtes de briques et de mortiers. Beaucoup de mortiers et très peu de briques. Et étaient aussi nus et aussi pâles d'aspect que des pains de 4 livres mal cuits. Ils avançaient en ce moment dans la rue haute, puis ils prirent les faubourgs éloignés de la ville où Dob, qui jouait le rôle de conducteur, suspendu à une courroie en cuir, dans l'attitude la plus périlleuse qu'il avait pu prendre, avait toute liberté de se livrer à l'activité de son imagination. Que le pétulant Dob cria « la cité, la banque, Charing Cross, etc. », selon la manière consacrée par les conducteurs de profession de la métropole, qu'il plongea sa tête dans la voiture pour demander si quelque gentleman ne voudrait pas monter sur l'impériale pour être agréable à une dame, qu'il ordonna à ses amis d'apprêter leur argent et les informa que les enfants payaient place entière, qu'il excita les petits garçons à la folie en leur demandant s'ils ne seraient pas bien aises de monter à cheval, et qu'il se moqua d'eux et leur fit des grimaces lorsqu'il laissait percer l'envie d'accepter ses offres bienveillantes, qu'il épouvanta les conducteurs des voitures qui passaient en leur disant en confidence que l'omnibus contenait les malades de l'asile des fous du comté, que l'homme avec un peu de favori assis sur l'impérial était dangereux, et que la vieille dame en bonnet noir avait tué 11 petits-enfants avec une ombrelle en guingamp, qu'il effaroucha les viragots du marché en leur offrant des places impossibles, qu'il excita les chasseurs à la distraction par une pantomime exprimant la terreur à la vue de leurs fusils et par ses insultantes insinuations sur la probabilité qu'ils tueraient leurs bottes et qu'il ne put se taire 3 minutes durant toute la journée, sont des faits qu'il est tout à fait inutile de mentionner. Un loustic de l'espèce de Dob, une fois donné, il faudrait une bien pauvre imagination pour n'être pas capable de deviner la manière dont il dut se conduire en semblable occasion. Le commis brasseur n'était pas le moins du monde épuisé par les fatigues du voyage. Son agréable entrain ne l'abandonna pas pendant toute cette longue et brillante journée de septembre. Les chercheurs de plaisir qui s'amusaient à Lemley Hills furent soumis à cette obligation qui est inséparable de toutes les régions élevées et qui consiste à chercher avec attention dans l'espace des objets tels que le dôme de Saint-Paul, les tours de la cathédrale de Canterbury, le monument, le château de Windsor, Beachy Head, et autres points de vue célèbres. La société de Dob ne fut pas plus tôt descendue de la voiture que cette espèce de torture commença. D'officieux jeunes gens exhibèrent des télescopes de poche qui, appliqués à une vue normale, ne faisaient seulement qu'augmenter l'état brumeux de l'atmosphère, mais à l'aide desquels les propriétaires des instruments prétendaient distinguer les points les plus en relief de 5 comtés. Alors commença le choc d'opinions diverses qui s'élève toujours en ces occasions. Cette tache noire à l'horizon que Spinner désignait comme le château de Windsor, Procombe assurait que c'était la cathédrale de Canterbury. Ces pointes aiguës qui, selon Sanders, indiquaient les Needles, étaient positivement, selon Smith, ni plus ni moins que le clocher de l'église de Langham. Puis, le spirituel Dob saisissait avec empressement l'occasion offerte à son génie et montrait le roc de Gibraltar, le mont Vésuve en pleine éruption, la chaîne la plus élevée de l'Himalaya, le Kremlin et la statue de Wellington de Hyde Park Corner. Il ne manqua pas non plus de faire les portraits de la reine et de la jeune princesse se promenant en ce moment sur les talus de Windsor et qu'on pouvait voir à l'œil nu. Et se tenant sur la pointe des pieds et avançant sa tête dans l'espace, Dob affirma que la savoureuse odeur d'une épaule de mouton à la sauce à l'oignon qu'on préparait dans la cuisine du château pour la table royale, arrivaient à travers les bruyères et les jacinthes des prés et donnaient envie d'ouvrir les paniers. Après cela, la principale affaire du jour commença. On ouvrit un panier et les joyeux convives mangèrent ce qu'on appelle un morceau sur le pouce. Mais comme cette espèce de collation amena la consommation d'un gallon de mélange de porter et d'ale, les voix et les esprits des convives s'animèrent considérablement avant qu'elle fût achevée. Quand ce petit repas fut terminé, la société se forma en petits groupes, et le principal amusement qu'ils trouvèrent convenable fut de descendre en courant quelques mètres de la pente rapide de la montagne, puis de tomber maladroitement et de glisser jusqu'en bas, non sans se cogner beaucoup contre les pierres et sans s'égratigner aux épines. On se livra ensuite au délicieux travail de courir les uns après les autres sur un gazon glissant qui offrait un appui fort médiocre pour des pieds embarrassés par les bottes de la civilisation. Le frère et les sœurs de Dorothée et les plus jeunes membres de la société trouvèrent un petit bois de noisetiers au pied de l'une des montagnes et s'amusèrent bruyamment à courir à travers les taillis. La pauvre Dorothée prit peu de plaisir au vulgaire divertissement de ses amis qui se bornaient en somme à flâner sur des montagnes arides, brûlées par le soleil, et à se gorger de bonnes choses, comestibles et boissons. Le rocher du château de Drachenfels est un très triste endroit, sans la gentille main et sans les tendres yeux de la personne aimée, qui change l'atmosphère des plus ennuyeuses régions en paradis. Naturellement, la grandissime affaire du jour était le dîner. Quelques ravissements que la société de Dob affecta en regardant le paysage romantique, les lointains brumeux, l'horizon empourpré et tous les effets changeants de lumière et d'ombre qui se jouaient dans les vallées champêtres et sur les hauteurs éloignées. Les yeux des chercheurs de plaisir étaient disposés à revenir à l'endroit où Madame Dob et une autre matrone, assises sur le gazon, veillaient sur les paniers. Un profond soupir de satisfaction s'éleva simultanément de toutes les poitrines, lorsque le joyeux Dob donna le signal de les ouvrir. Alors, et alors seulement, l'entrain réel du pique-nique commença. Les mousselines déchirées, les figures brûlées par le soleil, les mains égratignées, les coudes meurtries, tous les inconvénients qui accompagnent les plaisirs champêtres furent oubliés dans la tâche absorbante des préparatifs. Spinner déploya un si grand talent à mettre le couvert qu'il s'exposa aux plaisanteries de ses amis, qui déclarèrent qu'il devait avoir commencé sa vie comme garçon dans un restaurant à bon marché. Sanders se conduisit en Hercule en débouchant les bouteilles. Pocum s'annonça comme possédant l'art de faire une salade. Il monta son talent pour hacher les laitues, les mêler à des légumes coupés, puis les plonger dans un bain froid de vinaigre. Mais ce primitif mélange, qui aurait agacé les dents d'un Bria Savarin pour le reste de sa vie, fut hautement approuvé par la société de Dob, qui semblait avoir une faculté extraordinaire pour consommer le vinaigre. Ce serait peine bien inutile de porter son dîner à 500 pieds au-dessus du dôme de Saint-Paul, à moins d'être sûr d'avoir un bon appétit en compensation de tant de préparatifs. Les Dobites n'eurent nulle raison de se plaindre sous ce rapport. Le festin fut un triomphe constant, de la volaille et du jambon à la langue et au poulet, du pâté de veau au canard, du canard au bœuf rôti et à la salade, du bœuf et de la salade à la pâtisserie, de la pâtisserie au fromage, du fromage à toute chose d'une tendance colérique sous la forme de fruits. La pauvre et sentimentale Dorothée rougissait pour l'entourage de sa cousine et était presque heureuse que son amant ne fût pas là pour voir quels êtres voraces ses parents avouaient pour leurs amis. Le vin de Sir Gaspard avait été réservé pour la splendeur finale du festin. On le fit convenablement circuler et on se mit à discuter ses mérites. S'il fut trouvé tout à fait agréable, le goût de la compagnie est un peu douteux. Mais personne ne fut assez hardi pour exprimer une opinion contraire, et une société de connaisseurs dînant au Carlton Club n'aurait pas présenté ses verres à la lumière et inspecté les petites gouttelettes huileuses sur le bord transparent du vase avec un aspect plus critique et un air de délibération plus orthodoxe. La mystérieuse vieille femme, en bonnet noir, attira la déconsidération sur sa parenté en remarquant que le marasquin était le meilleur gin à la menthe poivrée qu'elle se souvint d'avoir goûté. Mais que peut-on espérer d'une personne qui porte un chapeau acheté chez une revendeuse et qui est sourdement soupçonnée d'avoir reçu 3 shillings 6 pence par semaine de la paroisse dans un hiver particulièrement dur? C'est très bien de parler de la longueur de nos jours sur la terre et du reste, dit Dob, lorsqu'il discuta au sein de la famille les amusements de cette journée. Mais il n'y a rien dans le catéchisme qui nous ordonne de mener notre mère à des pique-niques, et je pense que Smith aurait dû mieux le savoir. Après le festin, il y eut encore plus de dégringolades de la montagne et de mousseline déchirée, et peu après, quelqu'un organisa un cercle pour jouer à l'anneau qui passe, joli jeu laborieux, sur le sommet d'une montagne sans ombre, par une brûlante après-midi. Et les Dobbits devinrent plus gais et plus bruyants à mesure que le soleil baissait à l'occident. Dire que quelqu'un de la société avait pris beaucoup trop de stimulants alcooliques serait formuler une accusation contre laquelle toutes les voix indignées auraient protesté. Mais parmi ces joyeux convives, il y en avait peu qui, en regardant le château de Windsor dans le lointain, n'auraient pas été exposés à se tromper en voyant deux tours où réellement il n'y en avait qu'une. Il régna une agréable brume dans l'esprit des Dobbits tout le temps de cet après-midi, une rêveuse indifférence quant à l'avenir, une sensation indécise quant au passé, une idée confuse qu'il s'amusa à Lemley Hills depuis un mois ou plus, une vague incertitude sur le jour de la semaine et la saison de l'année, et un sentiment de bienveillance qui embrassait l'univers et qui est assez pathétique pour se traduire par des larmes dans son expression envers les individus. Le soleil descendait vers l'ouest et une fraîche brise s'élevait au-dessus des vallées. Dorothée errait triste et solitaire à quelque distance du cercle bruyant, cabriolet en tournant sur le sommet de la montagne. Les jeunes gens convenables de la société avaient fait tous leurs efforts pour engager Dorothée à se joindre à leur premier jeu, mais elle s'était retirée loin d'eux avec indignation. Il s'était élevé un murmure dans tout le cercle qui répétait que Mademoiselle Thorwood, depuis qu'elle fréquentait un officier, était devenue orgueilleuse. La partie féminine de la société disait « elle s'affiche ». Et là, on exclamait avec indignation « oui, j'en suis sûr ». Avez-vous jamais vu de tels airs? Elle se croit fiancée pour le moins un duc, j'imagine. Dorothée s'éloignait d'eux, le cœur gonflé. Jouer à entrer en danse et à embrasser que vous voudrez, avec des gens vulgaires animés et à demi-ivres, allons donc. Et lui, qui descendait de voir le confesseur. Si seulement il eût été apprenti dans un magasin de nouveautés, il aurait été avec elle toute la journée, comme le prétendu de Mademoiselle Spinner, qui avait descendu en courant la montagne avec son bras passé autour de la taille de sa fiancée aux yeux du genre humain. Et lui n'était pas venu du tout, quoiqu'il eût bien savoir combien la longue journée lui paraîtrait ennuyeuse sans lui. Elle pouvait alors se permettre de pleurer, et elle laissa couler de piteuses larmes sous l'ombre de son joli chapeau, ce chapeau qu'elle avait tourné pour lui seul. Ah, le misérable univers qui tirait toute sa lumière de lui et devenait entièrement sombre, comme s'il eût été éclipsé en son absence. Et la jeunesse est une délicieuse saison, disent les poètes et les romanciers. Et il est triste de perdre la première fraîcheur de ses sentiments. Et l'esprit profond d'un philosophe est misérable en échange du cœur passionné de l'adolescence. N'y a-t-il pas une contre-vérité dans cet axiome? N'est-ce pas plutôt une fausse sentimentalité qui fait regretter aux hommes les jours où ils étaient fouettés pour un temps mal employé ou dissipé, et s'imaginer que les verges de leur maître d'études doivent avoir été une chose tout à fait délicieuse? Il y a des gens qui auraient envié à Dorothée sa jeunesse et sa fraîcheur. Cependant, est-ce une chose si charmante d'errer solitairement sur la pente d'une montagne par un soleil brûlant, en souffrant toutes les tortures d'un amer désappointement et d'un amour blessé pour un chenapan de l'infanterie de marine à la figure sombre qui n'a jamais été et ne peut jamais être digne de l'attachement d'une honnête femme? À 28 ans, Dorothée eût été assez sage pour estimer le caractère du lieutenant à sa juste valeur, et se résigner à penser que sa seule chance de bonheur était de l'envoyer promener à la première occasion. À 18 ans, elle ne pensait à rien, elle ne se souvenait de rien, excepté qu'il avait un nez aquilin et des yeux noirs rêveurs, et qu'elle était prête à mourir pour lui. À mourir comme cette Française l'a fait, non pour sauver sa vie, ce qui serait un trop faible sacrifice, mais à le faire parce qu'il le lui a dit. À mourir pour la satisfaction de ses caprices passagers, à donner son existence pour qu'il soit heureux un moment. Tandis qu'elle songeait à sa cruauté, tandis que son jeune cœur souffrait, comme s'il eût eu une blessure ouverte, le son des sabots d'un cheval se fit entendre faiblement au loin et tout son chagrin se changea en joie. C'était lui. Quelle autre personne pouvait monter à cheval la montagne de Lemley dans cet après-midi particulière? Elle courut au sommet au-dessous duquel le sentier se déroulait en montant. Oui, c'était lui. Les brillants yeux clairs de Dorothée reconnurent cette taille élancée, montée sur une misérable rosse dont tous les membres portaient l'empreinte d'une écurie de louage. Mais eût-il été monté sur un des chevaux de l'attelage de Phaéton, ou sur un de ces cavaliers Frenati vénitiens que Pierre Doria épouvantait avec un frein, que Dorothée ne l'aurait pas regardé avec des yeux plus tendres et plus admirateurs. Elle descendit légèrement en courant le flanc de la montagne pour aller au-devant de lui. Il mit pied à terre à un tournant du sentier et monta la rampe à côté d'elle, conduisant son cheval par la bride. Dorothée était heureuse. Son univers brillait encore une fois, quoique le soleil qui l'éclairait aurait pu être plus éclatant. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet de la montagne, Catherine attacha sa monture à un piquet et laissa l'animal se rafraîchir autant qu'il le put en mangeant cette herbe brûlée par le soleil, tandis que son cavalier continuait à marcher avec Dorothée. Le lieutenant était très sombre, et lorsque sa compagne le pria avec insistance de lui confier ses chagrins, il lui dit que ses affaires étaient en aussi mauvais état qu'elles pouvaient être. « Si je n'y prends garde, je serai renvoyé de cet enragé service, Dolly, » dit-il. « Et alors je deviendrai décrotteur ou balayeur de route, ou gère de côté et d'autre les jours de derby pour vendre les cartes autorisées de Dorling. Vous eussiez mieux fait de ne pas penser à moi, et de porter vos vues sur quelqu'un plus digne de votre amour. Je suis tout à fait dans la peine et les embarras, et le déshonneur m'attend, je suppose. » Comme bien des gens appellent cela. Et personne ne peut vous venir en aide, Jervois ? Si, répondit le lieutenant presque durement. Quelqu'un pourrait me venir en aide en me prêtant quelque argent, mais personne ne le veut. Oh, Jervois, vous savez que je le ferais si j'avais de l'argent. Mais vous n'en avez pas, vous voyez, reprit Catherine maussadement. Ainsi, ce n'est pas la peine d'en parler. Si vous aviez la dette nationale, vous me la prêteriez, je n'en doute pas. Il y a quantité de gens qui n'ont pas d'argent et qui m'en prêteraient s'ils en avaient. J'ai besoin de trouver des gens qui en aient et veuillent bien m'en prêter. » Dob, dont l'esprit inconstant était fatigué de entrer dans la danse, aperçut tout à coup les deux personnes qui se promenaient côte à côte sur le sommet de la montagne, et il s'élança vers elles en bondissant, les pans de son habit flottant de chaque côté de lui comme une paire d'ailes. « Allez jouer avec les autres, Dorothée, » dit le commis. « Catherine et moi avons quelque chose à nous dire. » Dorothée fit la moue et regarda son amant pour en appeler à lui. « Oui, Dol, » dit le lieutenant en répondant à son regard. « Allez vous amuser avec les autres pendant quelques minutes. Dob a besoin de me parler et j'ai besoin de parler à Dob. Allez, qu'elle est gentille. » La jeune fille hésita un moment, un peu indignée de ce renvoi sommaire. Puis la douceur de la femme triompha du sentiment de sa dignité blessée. Elle quitta le bras de son amant avec un sourire et s'en alla. Les intérêts de Catherine pouvaient être liés à cette entrevue avec Dob, et devait-elle se mettre en travers, elle dont l'amour était un dévouement d'esclave incontestable? Elle laissa les deux hommes, mais non pour aller jouer à ces jeux vulgaires avec ces gens bruyants, qui criaient et se bousculaient les uns les autres en ce moment en jouant à Colin-Maillard. Elle erra seule à quelque distance, regardant le splendide coucher de soleil, en songeant très tristement aux perplexités de son amant. « Ah, si j'étais une héritière comme Mademoiselle Marcia, » pensait-elle, « quel bonheur de rassembler tout mon argent et de le jeter à ses pieds. » Tandis que Dorothée marchait dans une direction, Jervois et le commis se promenaient doucement de l'autre sur le flanc de la montagne. « Eh bien, » dit Dob, « pas de nouvelles de Postman ?»« Si, » répondit le lieutenant. « Il n'est pas demandé au betting, et voici le moment de parier pour lui si quelqu'un a de la chance. » Car il est aussi sûr de gagner qu'un souverain allait de pouvoir se changer en 20 shillings. On a dit qu'il avait gagné une entorse dans son essai. Mais l'homme qui m'a écrit a vu son essai et me garantit qu'il battra tout ce qui se présentera. J'ai sa lettre dans ma poche. J'ai attendu toute la journée, dans l'espérance qu'il arriverait quelque chose qui me permettrait de lui envoyer un mandat de poste par le courrier du soir. Mais je n'ai eu aucune chance, et le cheval peut monter d'un moment à l'autre. Vous pouvez lire sa lettre, si cela vous fait plaisir. » Le fasciné Henri Adolphe n'était que trop impatient de lire le précieux document que Catherine tirait de la poche de son gilet. C'était une petite demi-feuille de papier graisseux sentant fortement le vieux tabac. « Honoré monsieur, écrivait le correspondant de Catherine, vous ne pouvez mal faire en mettant sur postman tout ce que vous pourrez. C'est une carte sûre et il y a beaucoup d'argent à gagner pour ceux qui auront le courage de parier pour lui. Les scum parient presque tous pour lui. » « Que voulez-vous dire par les scum ?» demanda Dob. « Ah, c'est une manière que les fashionables de mauvais ton ont pris en parlant des bookmen. Envoyez-moi un de ces scum, voulez-vous ? J'ai envie de parier quelque chose. Voilà ce que nos jeunes gens à la mode disent lorsqu'ils veulent spéculer. Mais les scum ont de grandes fortunes, et je connais un homme qui paye 300 livres sterling de loyer pour sa maison de Tibernia, qui a commencé sa vie en vendant des oranges. On ne trouve rien d'inconvenant, vous le savez, à ce que nos aristocrates entrent dans le ring. Vous rappelez-vous ce que Lord George Bentinck a dit ? Tous les hommes sont égaux sur le turf et dessous. Mais vous, d'après la lettre, vous pouvez très bien aller de l'avant. » Les scum parient presque tous pour lui, et j'aurai beaucoup de peine à utiliser votre argent. Ce que vous avez de mieux à faire, c'est de m'envoyer un bon de poste par le retour du courrier, et je ferai de mon mieux pour vous. » Dob lut et relut cette lettre, tout en se promenant à côté de son ami. La prudence lui disait de se méfier de Catherine, dont les vives espérances s'étaient si souvent changées en déception. Mais la prudence ne lui donnait nul avertissement contre celui qui avait écrit cette secrète communication, dont le ton annonçait tant d'expérience et parlait de postman comme si son triomphe était certain. « Si j'avais de l'argent, » dit Henri Adolphe avec une soudaine énergie, « je vous en aurais prêté. Oui, je l'aurais fait, Catherine. Quoique vous ne m'auriez pas plus payé que les autres fois, mais je n'ai pas un sou. » Il y eut un silence avant que le lieutenant répondît à ce discours, et lorsqu'il le fit, c'était d'un ton plus bas qu'à l'ordinaire. « Mais vous pouvez vous procurer de l'argent, » dit-il en regardant le commis à la dérobée. « Que voulez-vous dire ?»« Ce que je veux vous dire ? » ?»« Allons, Dob, vous le savez. » »« Vous le savez très bien. » On ne peut supposer qu'un commis de confiance, qu'un commis qui fait rentrer les fonds dans une maison comme celle de Sloper et de Halliday, n'ait pas d'argent à sa disposition. Je suis lieutenant dans l'infanterie de marine, mais je ne suis pas tout à fait un âne pour cela. Vous savez très bien où vous pouvez avoir de l'argent quand vous en avez besoin. Quoi ? Mugit Henri Adolphe en se tournant d'une manière farouche vers son compagnon. Pensez-vous que je volerai l'argent qui passe par mes mains dans les affaires ? Pour qui me prenez-vous ? S'écria Dob, qui, dans l'intensité de son indignation, oubliait une fois d'être facétieux. « Pensez que vous volez ? Quelle pitoyable sottise, Dob ! Naturellement, je sais que vous ne volez pas. Mais qui est-ce qui a parlé de voler ? Je suis sûr que ce n'est pas moi. Mais comme commis, faisant entrer les fonds pour Sloper et Halliday, des sommes considérables doivent passer par vos mains, et je ne fais aucun doute qu'il y a des moments ou des saisons où beaucoup d'argent reste inoccupé sous votre garde. Non, pas souvent. Jamais lorsque le vieux Sloper est à la maison. J'aimerais avoir le vieil oiseau, si on lui faisait un tour pareil. Ce n'est pas un petit jeu pour lui. L'argent ou la vie, voilà ses sentiments, et il s'y cramponne. Lorsqu'il est à la maison, le coffre-fort en fer, qui est dans notre bureau, est vérifié tous les jours 10 minutes avant la fermeture de la banque, et le vénérable associé emporte lui-même tout l'excédent de ce qu'il faut pour les nécessités de la maison dans une sacoche. « Oh, c'est un vieil oiseau bien emplumé que le vieux Sloper. S'il était né hier, il eût employé les heures qui se sont écoulées dans l'intervalle aussi bien qu'aucun des membres de la famille des Apis mellifica. 17 livres 6 pence de petite monnaie sont au maximum, ce que vous trouverez chez nous après l'heure de la banque lorsqu'il est au logis. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'il n'est pas à la maison ? Eh bien, lorsqu'on est débarrassé du vieux maître, il y a beaucoup d'insouciance. Calmons-nous, petite Sally. » comme dit notre ami Jean Crapaud. Le jeune Halliday est un grand fashionable, vous savez. Il a fait ses farces à Eton. Il garde son yacht de 25 tonneaux sur la mer Dride, et il lâche toujours la boutique pour une voile humide, une mer montante, et un vent qui souffle fort, et toutes ces espèces de choses que vous savez. Bien, alors il n'est pas si difficile sur la caisse, non? Il laisse l'argent sous ma responsabilité quelquefois pendant plusieurs semaines. Mais si vous pensez que je profiterai de sa confiance, vous vous adressez du mauvais côté, et tout ce que je puis vous dire, c'est que l'individu dont vous parlez n'est pas à la ville et qu'on ne l'attend pas de quelque temps à la maison. Ainsi, vous ferez bien de repasser d'aujourd'hui en 3 ans ou de lundi prochain en 12 mois ou à quelque époque aussi prochaine, conclut Dob, qui à ce moment avait tout à fait recouvré son sang-froid et son habitude de plaisanter. Le lieutenant se mordit les lèvres de rage. « Quel fou vous êtes, Dob !» commença-t-il. Subjugué par cet hommage involontaire d'une assemblée qui s'est distinguée, je me lève pour... « Laissez de côté pour une fois cette mauvaise manière de plaisanter, voulez-vous ? Si vous trouvez que c'est comique, je ne le trouve pas. Ainsi, vous pouvez aussi bien réserver cela pour quelqu'un qui apprécie ce genre de gaieté. Vous êtes fou, puisque vous ne voulez pas donner à un camarade le temps de vous faire une proposition. Et avant qu'il ait pu vous dire une demi-douzaine de mots, vous commencez à monter sur vos grands chevaux et faites un discours sur votre honnêteté, comme si on vous avait demandé de voler les joyaux de la couronne ou de fabriquer de faux billets du trésor. Tout ce que je voulais dire est ceci. Le vieux Sloper est parti pour passer l'automne à Rotterdam avec sa femme et sa famille. Je sais cela aussi bien que vous pouvez le savoir. Et si Hallyday laisse de l'argent dans vos mains depuis aujourd'hui jusqu'au 15, vous pouvez, si vous le voulez, vous procurer ce dont vous avez besoin. Postman est sûr de gagner. Mais s'il ne gagne pas, je vous dis qu'il doit gagner. Les gens qui ont parié pour lui ne se trompent jamais, et ils ne le feront pas davantage cette fois. Vous pouvez gagner un pourbain si vous envoyez votre argent tout de suite. « Je verrai auparavant tous les chevaux de course de la chrétienté dans un abîme sans fond, » s'écria Dob. « Non, mon vieux camarade, non, j'ai ma réputation à garder, j'ai ma femme à protéger. Voyez autre part. Il y a le vieux caissier de la banque de Roxborough et de Castleford, vous savez. Il va à l'église trois fois chaque dimanche. Il mange à dîner froid à 1 heure et prie toute la soirée. C'est l'espèce d'homme qui convient pour un faux bien conditionné. Je suis un réprouvé, moi, et je ne puis m'élever jusqu'au détournement frauduleux. » « Oh, très bien, » répondit Cafron, « j'ose le dire, quelque chose d'autre en retournera. Tout Penny Postman ne courra pas sans que j'aie mis quelques livres sur lui, si je puis me procurer quelque argent à Castleford. N'en parlons plus. »« Je ne suis pas disposé à le faire, » répondit Dob, avec un énergique mépris des règles grammaticales. Les deux hommes se retournèrent et se dirigèrent silencieusement vers le groupe bruyant qui entourait une bouilloire de campagne, et jouissait du plaisir que Madame Dob appelait une confortable tasse de thé, mais qui, pour les hommes, se changeait en un confortable verre de n'importe quoi sous la forme de liqueur spiritueuse. Le lieutenant accepta un verre d'eau-de-vie mélangée d'eau en faisant la mine, puis resta debout au-dessus du feu rustique en fumant, tandis que la lumière rouge du bois qui brûlait vacillait sur sa figure. Dorothée le regardait tristement. Il faisait si peu attention à elle. Ses pensées semblaient si loin d'elle. Ah, Dieu, que cet amour était une douloureuse passion. Les Hobbits prirent petit à petit leur place dans l'omnibus, avec beaucoup moins de cérémonie et beaucoup plus de contestation qu'il n'y en avait eu le matin pour la même opération. Les uns étaient extrêmement gais, tandis que d'autres semblaient envahis par une mélancolie maladive. Les uns étaient un peu disposés à être susceptibles, d'autres donnaient des preuves irrécusables d'une tendance à être querelleurs. Certaines dames étaient malades et certaines autres étaient bruyantes. Madame Smith se plaignait que le pâté de veau lui pesait sur l'estomac. Et Madame Spinner insistait pour monter sur l'impériale de la voiture en chantant une chanson suisse avec des lalaouis qui ressemblaient aux symptômes précurseurs du mal de mer et le scandalisé Spinner la frappait ouvertement. Dorothée était sur le dessus de l'omnibus avec Gerboys, dont le bras abritait et entourait ses épaules potelées et les garantissait du froid. Ah, comme tous les désappointements de la journée se trouvaient amplement récompensés par ces délicieuses courses à l'air frais de la nuit, avec 1 million de brillantes étoiles au-dessus de sa tête et un magnifique paysage fugitif couvert d'ombre, comme un rêve au-dessous. Que lui importait que Spinner et sa femme se querellassent tout le temps? Que lui importait que la voiture s'arrêtât plus d'une fois pour boire un coup et voir le résultat du pâté de veau qui pesait sur l'estomac de Madame Smith, ou que Henri Adolphe rendit la soirée insupportable avec ses chansons comiques? Qu'est-ce que cela lui faisait que la société se rafraîchît à toutes les auberges de la route, où des hommes grossiers et des gamins sortaient pour les regarder, comme s'ils eussent été une curiosité, ou qu'ils passassent en criant, à travers les petits villages assoupis? Où des lumières scintillaient tristement aux fenêtres des chambres à coucher, et que des villageois épouvantés les regardassent de leurs croisées, comme s'ils eussent été une troupe de démons bruyants. Que lui importait toute chose? Son amant était auprès d'elle, et la vie était belle. Catherine prit tristement congé de son ami le commis brasseur, refusant d'entrer dans la maison hospitalière de ce gentleman, quoique Dorothée le pria de le faire. Car il devait coucher dans la chambre réservée de sa cousine, il s'était fait un bonheur de passer une soirée qui ne serait pas interrompue de bonne heure par son départ. Il quitta la société immédiatement après avoir fait descendre Dorothée de voiture et retourna seul à la caserne. Mais il vit Daube à Castleford le lendemain et encore le surlendemain, et il eut une longue conversation dans son bureau le jour suivant, et par la poste du soir, une somme considérable fut envoyée à un ami de Catherine résidant à Londres pour être hasardé sur les chances de Two Penny Postman, moitié au nom du lieutenant, moitié au nom du commis. Et dans le sein de sa famille ce soir-là, Daube fut triste et sombre, et ses faibles tentatives pour être facétieux avec quelque chose d'effrayant qui frappa de terreur le tendre cœur de sa dévouée compagne.